Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Vous êtes à la jungle des luttes, le programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Eh bien, merci à tous ceux qui nous écouteront. Vous pouvez nous réécouter si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au bout, puisqu'on est en direct jusqu'à 20h30. Nous réécouter le quatrième jeudi de 8h du matin à 9h30. Et puis, vous pouvez également consulter notre site cspcl.ouvaton.org, où il y a nos émissions qui sont sur ce site là. Et puis on avait le blog de la jungle des luttes, qui est donc déjà depuis très très longtemps, qui était en activité, qu'on actualisait là jusqu'à l'année dernière, mais donc les dernières émissions c'est sur le site. Sinon il y a le blog de la jungle des luttes, vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Eh bien, aujourd'hui, on va parler avec, vous avez sans doute entendu parler de ce collectif, les inculpés du 8-12. Donc, c'était déjà en 2020, donc il y a longtemps, on a peut-être un peu oublié, mais c'est le moment justement d'en reparler, de cette histoire qui est en rapport avec la discrimination, la répression et la formation de plus en plus clair de la diabolisation de ceux qui luttent, les mouvements sociaux de manière générale partout, et donc avec des accusations de terrorisme qui donc se répandent de plus en plus. Donc là, ça a commencé en 2020, cette histoire, pour un certain nombre de nos compagnons et compagnonnes. Et donc, ils sont avec nous dans cette première partie. Donc, il y aura Zvin qui est inculpé, et puis Claude qui, elle, a été arrêté, mais pas inculpé. Et donc, c'est important d'en parler, puisqu'il y a justement le 4 et 5, du 4 au 22 mai 2026, le procès en appel qui aura donc lieu à Paris. Et donc, vous pouvez vous mobiliser en les soutenant directement. Il y a également une petite cagnotte, on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais donc, du coup, vous pouvez chercher le contact 8.12 communication @proton.me. Donc du coup là, vous pouvez avoir éventuellement des contacts pour tout ce qui est médiatique, et sinon le contact mail soutien-8decembre@riseup.net. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps d'écouter, essayez de vous intéresser aux inculpés du 8 décembre. Et donc on va en parler en détail dans ce première partie d'émission. On aura ensuite un copain qui est parti au Mexique et qui a fait partie d'une brigade de solidarité internationaliste avec des personnes qui, au Mexique, ou notamment justement un propriétaire tout spécifiquement, mais du coup victime de tous ces grands projets qui exproprient et volent la terre aux personnes, en plus de les menacer évidemment, et voire même parfois de les tuer. Donc voilà, c'est une situation dont on a parlé à plusieurs reprises dans plusieurs endroits du Mexique. Et donc là, dernièrement, il y a eu cette mobilisation en mars autour de cette résistance face à ce projet qui déjà a plusieurs années, donc sur la côte de Oaxaca au Mexique. Et on aura ensuite d'un petit point info sur différentes actualités, parce qu'il y a des projections de films, tournées de films qui sont liées au Chiapas, au Mexique, à la tournée du Voyage pour la vie des Apatistes. Donc c'est la date du 22 avril et c'est ça, le 28 avril, pardon. Hein? Alors, 22 avril, donc mercredi après-demain. Et sinon, il y a bien une autre date, le 28 avril. Et ça, c'est pour le film Un lugar más grande. Et ensuite, on aura le film de Valentina qui sera projeté au cinéma La Clé autour Los sueños que compartimos, les rêves que l'on partage, que l'on a partagé. Et donc, ça, ce sera le 6 mai à La Clé, donc à Paris. Et donc, du coup, ensuite, on aura une copine qui, normalement, devrait arriver à temps pour nous faire un petit point sur la sécurité sociale. Cette fabuleuse chose qui s'effrite un petit peu et qui a en même temps une belle origine. Et ça fait toujours du bien de se dire qu'il y a des choses qu'on a acquises, qu'on va essayer de préserver. Ben voilà. Là, merci d'être avec nous. On va faire juste une petite pause musicale pour se mettre dedans et on est là tout de suite. Merci. Camarada, pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra, sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Venceremos. Solidaridad con la tierra donde los niños aún sueñan. Venceremos. Venceremos. Manos unidas, corazones en alto, la dignidad florecerá. Estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos. Que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común, y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará. Venceremos, porque la dignidad triunfará, la esperanza será ley, los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten, por la vida que no se rinde. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc du coup, on est avec les copains, les inculpés du 8-12. Je vous laisse la parole, merci d'être là et de nous raconter un peu quelle est cette histoire dans laquelle vous êtes empêtrés, et donc ce face-à-face avec l'État, la justice et les tribunaux et tout ça. Eh ben, salut, déjà merci pour l'invitation. Zvink, inculpé du 8 décembre, du coup, un des protagonistes malgré moi. Donc oui, effectivement, on vient pour parler de l'appel au mois de mai, mais peut-être avant, ça peut être pas mal de recontextualiser ce qu'est l'affaire du 8 décembre 2020. Donc on va faire vite parce que c'est assez long. Le 8 décembre 2020, 9 personnes sont arrêtées un peu partout en France. Les 9 personnes feront 96 heures de garde à vue et à l'issue, il y en aura 7 qui seront inculpées pour association de malfaiteurs terroristes dans l'intention de s'en prendre à des personnes dépositaires de l'autorité publique. Très long. Sur ces 7 personnes, 5 feront de la prison préventive, 2 seront au contrôle judiciaire. Et le premier procès a eu lieu en 2023. Et tous ont été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes. Ces 9 personnes ne se connaissaient pas entre elles. Elles étaient toutes liées autour d'une même personne qu'on appelle aujourd'hui Libre Flo, qui était partie au Rojava, aux côtés des Kurdes, pour combattre Daesh. Je vais revenir un peu sur plus en détail sur les arrestations. Donc, du coup, c'était dans plein d'endroits partout en France. Donc, c'était quand même des longues perquisitions qui ont duré des journées entières. Ensuite, la garde à vue à la DGSI, c'est 96 heures dans des conditions quand même assez difficiles. Où ils font les OPJ de la DGSI font exprès de te mettre dans des situations. Donc c'est des cellules insonorisées. On est privé de, on a pas, enfin peu de nourriture. On n'est pas privé de nourriture, mais on a peu de nourriture. C'est beaucoup d'auditions, 3 à 4 auditions par jour. Donc c'est quand même assez éprouvant psychologiquement. Donc ils essaient vraiment de te mettre la pression psychologique, etc. Et donc à la sortie de ça, il y en a 5 qui partent directement en détention dans 5 prisons différentes d'Île-de-France. Donc là, ça commence pour nous, les soutiens autour. C'est assez compliqué. On essaie quand même de comprendre. À savoir que les avocats n'ont pas encore accès à dossier à ce moment-là. Les inculpés non plus, parce qu'ils sont en détention. Et même ceux qui ne sont pas en détention n'ont pas accès au dossier. Donc on essaie de comprendre un peu ce qui se passe et ce qui leur est tombé dessus, etc. Donc on essaie de faire qu'il y ait du soutien qui se crée, une solidarité, tout ça. Et en même temps, c'est assez difficile parce que y a l'interdiction de communiquer, il y a plein de choses qui sont quand même difficiles. Vous n'aviez pas l'autorisation de vous aviez l'interdiction de communiquer sur cette sur ces arrestations, sur ces gardes à vue, ou communiquer à l'extérieur, entre vous aussi? C'était pas très clair. En fait, les inculpés avaient l'interdiction de communiquer, donc ceux qui étaient en prison, mais même pour ceux qui n'étaient pas en prison. Et en fait, on ne savait pas à quel point même les proches ne pouvaient pas communiquer entre eux. Les avocats étaient quand même très frileux et ils disaient attention, c'est un dossier en terrorisme, on ne sait pas trop la frontière de la communication, de l'interdiction de communication. Donc en fait, il y a une peur qui s'installe et on se dit on peut pas communiquer avec un proche d'un autre inculpé. Alors que, on n'est pas sûr et certain, mais il y a une espèce de parano générale qui fait que tout d'un coup, on se dit Sachant que justement, vous ne connaissiez vraiment pas, enfin que les inculpés ne se connaissaient vraiment pas et n'arrivaient pas à non plus comprendre quel était le lien, ou quand vous sortez de 96 heures, vous avez compris ce qui vous arrivait ou quoi? Alors, en fait, très vite, on a compris quel était le lien, donc le camarade en commun, ce que les agents de la DGSI nous le font comprendre direct. Et en fait, à tous, ils nous disent « Votre pote avait l'intention de faire un truc, de commettre en gros un attentat. » Ils le disent en sous-jacent, en off. Bon, il s'avère qu'il n'y avait rien du tout, on s'en doutait très bien qu'il n'y avait rien, et il s'est avéré qu'il n'y avait rien du tout. Donc, ils nous mettent la pression là-dessus. Et ensuite, une fois qu'il y a les préventives qui sont faites, l'interdiction de communiquer, en fait, elle est vague et précise en même temps, parce que le terme exact, c'était interdiction de communiquer de quelque manière que ce soit. Donc, la question qui se posait, c'était, est-ce que c'est juste de communiquer entre inculpés? Est-ce que les proches des inculpés ne peuvent pas communiquer avec les inculpés? Est-ce que les proches peuvent communiquer entre eux? Donc, tu as ce flou juridique qui existait et tu as la parano aussi ambiante qui existait, ce qui a mis un gros frein à un élan de solidarité entre les divers comités de soutien. Que déjà, quand tu ne connais pas les gens, te mettre en contact avec eux, c'est compliqué. Oui, parce que c'était des régions différentes. C'est ça, puis de, surtout de gens qui ne se connaissaient pas. Bah oui, non, mais c'est ça. Et puis, en plus, éloigné, en fait, ça. En termes de... Plus la parano région. Qui va avec et tu te dis, bah, attends, il faut que j'arrive à rentrer en contact avec des gens que je ne connais pas. Et en plus, on ne va pas oser parler. Donc, très, très compliqué cette période-là pour mettre en place une solidarité, un élan de solidarité générale. Ça, c'est les arrestations. C'était le 8 décembre 2020. Le procès, il a eu lieu en 2023. Ouais. Donc là, on est en 2026. Ouais. On a eu des bribes. Enfin, je pense que c'est... Je pense que tout le monde a un peu, qui peut écouter l'émission, a entendu parler à un moment ou à un autre, etc. Mais ce qui est difficile, c'est de resituer un peu dans ce temps long. On parle de plusieurs années. Qu'est-ce que, du coup, suite à ces arrestations, qu'est-ce qu'a été le procès et qu'est-ce que c'est justement tout ce temps long, c'est des années de procédure, et pourquoi vous en êtes encore empêtré dans ces histoires aujourd'hui? Justement, avant d'arriver au premier procès et la conclusion qui est tristement triste, les détentions, en fait, tout le monde n'a pas eu les mêmes temps de détention et les mêmes contrôles judiciaires. La plus courte détention, ça a été 5 mois, et les plus longues, ça a été le camarade Librefo qui a fait 16 mois d'isolement. Plus 6 mois de bracelet électronique. Il a pu sortir d'isolement grâce à une grève de la faim. Et ensuite, il a été placé en bracelet électronique. Et par contre, les autres détenus, nous, on était en DPS, détenus particulièrement surveillés. Ça veut dire qu'on n'était pas isolé des autres détenus de la prison, mais on était quand même seul en cellule avec un régime strict, surveillance constante sur nous. Les parloirs étaient sur écoute. Enfin, il y a vraiment l'omniprésence carcérale et judiciaire au-dessus de la tête. Donc, au bout de 16 mois, tout le monde était dehors. Ensuite, s'en est suivi des suivis SPIP et des pointages au. Toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Pour les autres, je ne sais plus c'était quoi le terme exact. Moi, c'était le groupe de lutte antiterroriste qui est à Créteil. Pour les autres, je pense que c'était d'autres organismes, pareil, de lutte antiterro. En gros, il fallait pointer toutes les semaines, toutes les deux semaines. Les suivis SPIP, psy pour certains. Interdiction de sortir du département. Ah oui, au début c'était ça. Pendant un an. Donc ça c'était assez dur. Surtout, il y en avait. Dans les inculpés, il y en avait qui habitaient dans la même ville, qui habitaient à Toulouse. Et donc ils ont dû. En fait, il y en a certains qui ont dû s'installer ailleurs. Et ça veut dire qu'ils ne pouvaient même pas revenir dans la ville où il y avait tous leurs potes et tout, quoi. Mais du coup, justement, entre-temps, là, le comité de soutien, il avait réussi à prendre forme, parce que du coup, on a réussi à entendre quand même parler de ces inculpés, justement, du 8-12. Du coup, toi, par exemple, tu as pu faire partie, parce que tu as été arrêté, donc justement, ça a été aussi... ça motive forcément, et parce que tu es un peu dedans et que tu connais un petit peu donc ce qui s'est passé, donc ce comité de soutien qui a quand même réussi à pouvoir se créer finalement. Ouais, complètement. Les premières semaines, c'était assez dur parce que c'est un gros choc quand même de vivre les 96 heures de garde à vue et son copain qui part en prison avec les parloirs et tout. Et passer quelques mois, je pense que c'est les personnes autour de moi qui avaient déjà monté un comité et je les ai rejoints en fait. Et à partir de là, voilà, on a essayé de faire parler au maximum de l'affaire, de faire des radios, de faire des tracts, d'essayer de tisser des liens entre les différents comités pour arriver jusqu'au moment du procès, je dirais, en octobre 2023, où là, il y a eu quand même une super, super solidarité. Il y avait au moins 100 personnes tous les jours, sans soutien, qui étaient là. Donc, c'était vraiment une des grandes salles du tribunal de justice à Paris. Et c'était, voilà, c'était vraiment... on s'est rendu compte là de quand même qu'il y avait... que les groupes de soutien avaient fait du bon boulot. Grave. Et voilà. Et comment vous l'avez vécu, du coup, ce procès, justement ? Procès, alors, paradoxalement, on a beaucoup ri, beaucoup rigolé, parce que c'était quand même assez dans la bonne humeur, enfin, entre inculpés et soutien. Et déjà, on s'est tous rencontrés entre inculpés, ce qui est assez énorme. Enfin, tu mets des visages sur les noms, tu découvres les affinités, les affiliations des uns et des autres. Tu découvres qu'il y a des amis en commun, pas en commun, etc. Enfin, tu mets une réalité sur ce qui se passait sur depuis 3 ans. Voilà, sur ce qui se passait depuis 3 ans. Donc ça, déjà, c'était assez cool. C'est cool. On s'entend. Et procès assez particulier. On avait un peu espoir tout le long du procès. Les peu de médias présents allaient dans le bon sens, les articles allaient dans le bon sens. On a franchement cru qu'on allait vers la relaxe. On y croyait fort. Dans le sens où, surtout, il n'y avait pas véritablement de preuves qui pouvaient inculper véritablement les personnes inculpées. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuves à charge réellement. C'est la cerise sur le gâteau, ça. Je vais y venir justement au rendu du procès. Donc, on pensait que tout allait bien. Même des fois, les juges rigolaient avec nous, nos conneries, parce qu'on sortait quand même pas mal de conneries. On était des bons fêtards, on va dire, au final à nous-mêmes. Ouais. Oui, parce que pour la petite parenthèse, à la base, la DGSI voulait appeler ça à l'origine l'affaire punk à chien. Mais c'est moins vendeur juridiquement parlant. Mais ça donne un peu du coup l'idée de comment ça se passait au tribunal. Et donc, un mois de procès, il s'est écoulé quoi ? Un mois avant le rendu ? Deux mois, ouais. Et là, coup d'épée sur la gueule. La justice, donc la juge, reconnaît qu'il n'y a ni projet, ni groupe, ni cible, subsistent des intentions supposées. Supposées. Ça veut dire qu'on est condamné pour association de malfaiteurs terroristes pour intention supposée. Si on arrive à démontrer qu'il n'y a pas de groupe, on ne se connaissait pas, qu'il n'y a pas de cible, qu'on n'a jamais voulu s'en prendre à des flics ou des militaires, qu'il n'y a pas de projet à part se la coller. Mais en gros, oui, on va dire que vous avez des intentions. Okay. Et en fait, à partir de là, c'est une nouvelle lutte qui s'ouvre parce que on entre dans le caractère judiciaire de l'affaire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait appel, hormis pour nous. C'est qu'on peut condamner, ça ouvre la porte à condamner des gens sur intention supposée, gens qui ne se connaissent pas. Et donc, c'est aussi ça qu'on essaye d'alerter un petit peu le monde militant, c'est-à-dire que, imagine, tu milites avec des camarades, tu les connais déjà, oulala, mais tu peux aussi te retrouver dans la sauce avec des gens que tu ne connais pas, qui n'ont même pas forcément les mêmes affinités politiques que toi. Parce que nous, au sein de nous, on s'est découvert. C'est des affinités subtiles qu'on n'a pas, mais ça va de la tendance libertaire, anarchiste, à simple personne de chien. Ouais, simple cachien ou à simple personne de gauche. Qu'on aime bien. Voilà, c'était un peu tous les courants politiques, mais tu as un gros spectre politique, ce qui fait que, déjà, même d'un point de vue affinitaire. Mais si tu organisais quelque chose, ce serait pas avec cette disparité. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, tu te dis, imagine, comme je disais à Lyon, imagine la gale. Où il y a eu toute une procédure juridique pour les dissoudre, avec une jurisprudence comme la nôtre, tu te fais même plus chier à te faire chier à te faire des armes juridiques. Enfin, t'as une arme juridique, je veux dire, pour mettre une inculpation terroriste sur la gueule à des militants politiques en claquement de doigts. Et c'est en ça qu'on essaie d'alerter les gens, c'est-à-dire, demain, c'est vous. C'est nous, on a eu ça, mais demain, c'est vous qui pouvez avoir cette accusation terroriste pour des intentions supposées. Voilà, après, j'imagine que les derniers mois, depuis un an ou deux, avec toutes les accusations antiterroristes sur la Palestine, d'apologie du terrorisme sur la Palestine et tout, j'imagine que ça a dû aussi vous... faire une espèce de sans que ça soit aussi grave dans ce qui a été ensuite mis en place en termes de logistique antiterroriste et tout. Souvent ça a été beaucoup plus des convocations que la mise en place d'un fantasme d'organisation, etc. Mais c'est vrai que cette rhétorique elle est devenue peut-être plus généralisé, ou je sais pas comment vous voyez ça un peu Je te réponds après la pause. Ouais, on va faire une petite pause musicale et on y est ensuite sur la suite de cette émission 106.3 FPP Jungle des Luttes Musique. Ou plastique, je ne vois que des déchets à bouteilles et les années 30 sont recyclées. Le bruit des boîtes remplace le chant des oiseaux. L'horizon nous laisse voir les raisons de flipper. Quand on aura passé les plus 10 degrés, c'est les sauterelles qui vont nous grand remplacer. Le blanc de la banque qui disparaît, celui de la suprématie. A tout en craché sans blaguer, le fascisme c'est la gangrène. Ouais, on l'élimine ou on en crève. Frère, si je suis sur la défensive, c'est que j'ai mes raisons. L'histoire se répète un peu comme les saisons. Bon, j'ai assez regardé, j'ai assez écouté. C'est à moi de rapper, de clamer mes couplets. T'as pris ta claque et là t'es dégoûté, y'aura pas le temps pour les débats d'idées quand tout va s'écrouler. Ouais, le capital est totalitaire, pourquoi t'as besoin de preuves? Dans un monde où Amazon n'est plus un fleuve. Un seul bug, une seule étincelle peut mettre le feu aux poutres, donc je mets mon grain de sel. Check, on aura la victoire, que crève ce système d'exploitation. Je veux pas de mise à jour, non, rien de contradictoire. Se mêle amour de l'essence et essence de l'amour. L'amour de l'essence. L'essence de l'amour. Antifasciste et féministe, si ça te fait plaisir, tu peux me traiter de connard hystérique. Revoir là les soviets, canal historique. Si je t'assure que l'oppression est systémique, parole consensuelle et stérile. Pénible d'entendre un discours dénué de conviction. Pas de contestation sans division. Ouais, telle est ma vision. Opinion tranchée et précise. Je représente les gens que j'apprécie. De nos campagnes jusqu'à nos décis. On prépare le brasier parfait pour l'ennemi. On s'investit avec en mémoire le bruit des cris des camarades frappés dans les cartes. Hanté par les violences policières, la milice du capital défend les grands écarts. C'est la vendetta, chacun reprend ses parts. Si on a la rage, tout notre été ancré bas. Drapeau rouge, drapeau noir, loin du cynisme existe un espoir. Quand cette foire ne se présente pas la même vie de Neuilly sur scène à Neuilly Plaisance. Regardez leur dîner monde à tomber dans l'indécence. Nous, nos cocktails sont faits d'essence. Tolérance depuis tant d'années. Embarqués dans une danse endiablée. Toutes nos aspirations se sont entassées. Mais qu'est-ce qu'on attend pour tous s'enlacer? Sans tarder, fais preuve de franc-parler. Processus entamé, c'est à toi d'embrasser. Le prochain grand brasier, tant sont désemparés. Mais t'inquiète pas, on va bientôt tout enflammer. 106.3 FPP, la jungle des luttes, on continue. Donc, on est avec Zwink et Klo, les inculpés du 8-10, qui nous racontent donc ce procès qui a eu lieu en 2023 et pour lequel ils ont fait appel, puisque du coup, sans aucune preuve, mais seulement une intention supposée, ils sont donc inculpés et donc ils ont évidemment donc fait appel. Et c'est début mai que ça commence. Donc, et puis, il y avait eu des questions. Et donc, je te laisse répondre pour ceux qui ont suivi. Vous allez rattraper ceux qui n'ont pas écouté. Je vais reprendre ta question vite fait. Tu faisais des remarques par rapport justement à ce qu'on voit de plus en plus, l'apologie du terrorisme, etc. Et en fait, nous, notre affaire, elle s'inscrit un peu dans cette... Enfin, même totalement dans cette lignée. J'ai même envie de reprendre un contexte historique. L'association de malfaiteurs, ça a été une loi à la base utilisée pour incriminer des militants anarchistes fin du 19e siècle, si je me souviens bien. Maintenant, c'est un moyen juridique courant dans le monde judiciaire. Tous les jours, tu vois des associations de malfaiteurs pour un oui, pour un non au tribunal. Tu as eu l'époque Daesh. Moi, de mon constat, quand j'étais en détention, il y avait pas mal de mecs qui s'étaient mangés des premières peines ou des premières amendes ou des premières tombereaux juridiques pour apologie du terrorisme. Les mecs, ils n'étaient pas croyants pour un sou, ils n'étaient pas musulmans, juste ils avaient insulté des keufs, ils se mangeaient apologie du terrorisme. Donc ça devenait déjà un moyen répressif qui commençait à rentrer dans la norme. Il y a eu la loi CIT, que Chloé va expliquer un peu plus en détail après, qui est arrivée suite à ça. Nous, il y a une autre condamnation. Donc on alerte le monde militant, attention, vous êtes potentiellement les prochains pour intention supposée. Mais si tu regardes bien, depuis quelques années, tu as la SDAT qui est là. Et qu'est-ce que tu vois avec la sous-direction antiterroriste? Tu vois des militants politiques, des profs ou autres, les inculpés du Limousin par exemple, qui sont fait arrêter par la sous-direction antiterroriste. Ça veut dire qu'on utilise des moyens de l'antiterrorisme pour arrêter des militants et des militantes. Ce qui veut dire qu'en fait, en l'état actuel des choses, l'antiterrorisme devient une nouvelle normalité pour l'incrimination politique et va devenir une nouvelle norme en fait, d'arrestation politique et un nouveau langage. Et je te donne à parier que dans quelques temps, on justifiera les moyens de l'antiterror pour dire oui, mais à chaque fois qu'on arrête des militants politiques, c'est via l'ASDAT ou via un moyen antiterro. Donc, le militantisme, c'est du terrorisme. Je pense qu'on essaye de nous insuffler ça dans le langage politique médiatique, quoi. Ouais. Voilà. Comme éco-terroriste. Exactement, éco-terroriste. Alors là, c'est complètement rentré. Enfin, pareil. C'est devenu performatif, exactement. C'est exactement le même processus. Et donc, c'est pour ça que je reglisse les dates qu'on fait appel du 82 mai. Donc, forcément, il y a pour nous, parce qu'on espère être relaxé ou à minima regagner notre dignité en faisant tomber cette accusation terroriste, mais il y a aussi pour la lutte. C'est-à-dire de ne pas laisser passer une potentielle jurisprudence qui laisserait cette porte ouverte aux prochains camarades. En fait, on a vu comment les gens se mobilisaient dans les comités de soutien. Et en fait, te dire que potentiellement demain, tu vas toi-même faire partie d'un comité de soutien parce que c'est potentiellement ton pote ou ta pote ou quelqu'un que tu connais vaguement qui va se faire arrêter pour les mêmes raisons, tu n'as pas envie. Enfin, nous, on a vécu dans notre chair, mais les comités de soutien l'ont vécu aussi dans leur chair à s'impliquer et tu ne peux pas laisser passer ça. Et du coup, j'en profite pour laisser parler Claude sur la loi SILT qui nous a mis une belle balle dans le pied aussi. Ouais, je vais revenir un peu du coup sur le contexte des lois qu'il y avait avant l'arrestation de 2020. Donc la loi SILT, elle date d'octobre 2017. Elle renforce la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Elle est votée dans le prolongement de l'état d'urgence après les attentats de 2015. Et juste après les arrestations, en juillet 2021, alors qu'ils sont encore trois en détention, cette loi qui était normalement censée être uniquement en état d'urgence, l'État décide de l'adopter et la pérenniser. Donc du coup, ce n'est plus une loi d'état d'urgence, ça devient la loi contre le terrorisme qui est appliquée pour toujours, quoi. Et en 2020 aussi, il y avait les décrets Darmanin qui ont été signés. Ça permettait d'élargir les fichiers des personnes visées, d'élargir la surveillance. Et pas mal de trucs comme ça. Donc autour de 2020, il y a eu plein de lois sur l'antiterrorisme qui se sont mises en place. Et donc, c'est une période importante qui fait que... que nous, on était encore plus à se dire, ouais, maintenant que la loi elle a été votée, adoptée, ça va être encore plus la merde. Voilà. Puis oui, on le voit de toute façon avec Rima Hassan qui se fait accuser régulièrement d'apologie du terrorisme. Et ça dépasse le monde militant pur et dur. J'ai envie de dire, là, on arrive même dans le monde politique traditionnel et random. Ce qui montre qu'on est sur une nouvelle répression politique. En place, quoi. Et justement, il faut donc vous soutenir en étant présent sur Paris, parce que donc il y en a qui passent à Paris au tribunal. Dites-moi, redonnez les infos. On passe tribunal en appel sur l'île de la Cité, le vieux tribunal. Le vrai, avec les dorures, les belles pièces de théâtre. Le vrai beau palais de justice. Ouais, bien tout le mépris qui existe là-bas. Ouais. La bonne justice bourgeoise. C'est exactement, t'as tout dit. Et ouais, donc on fait appel bien sûr à venir nous soutenir le 4 mai, enfin nous soutenir, à vous soutenir par extension. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, en fait, n'hésitez pas à aller devant vos tribunaux locaux aussi. Parce qu'il n'y a pas que Paris, en fait, la centralisation, ça va 5 minutes. Demain, c'est vous qui allez vous retrouver dans vos tribunaux locaux pour les mêmes accusations. Donc. Prenez place devant le tribunal et interpellez vos avocats, vos avocates, vos magistrats. Enfin, montrez qu'il n'y a pas moyen que ça passe, que ça reste, quoi. Et après, on vous appelle, à en parler un maximum autour de vous, à diffuser, à partager les infos. Il y aura probablement des rassemblements qui vont être organisés le 4 et le 22, le premier et le dernier jour. Il y en aura peut-être d'autres aussi au milieu. Mais voilà. On appelle à partager un maximum. Et pour vous joindre et pour avoir des infos, si vous pouvez donner bien les infos, là, je l'ai dit au début, je l'ai dit en début d'émission, et peut-être que vous pouvez les redonner s'il y a des personnes qui veulent aussi participer à la cagnotte, s'ils ont 3 sous pour se solidariser. On ne dit pas non. Fois, il y a plein de gens généreux. Hein, et oui. C'est pas forcément ceux qui ont beaucoup d'argent, mais... Totalement. La générosité, c'est possible. Alors déjà, on a un blog, ça c'est plutôt pratique. Sur Internet, tu tapes soutien aux inculpés du 8 décembre, normalement tu tombes dessus, et si tu rajoutes noblog.org, tu es sûr à 200% de tomber dessus. Donc, déjà sur le blog, tu trouveras toutes les infos. Après, si tu as la déter, tu peux nous contacter par mail, donc soutien-8des@riseup.net ou 812support@riseup.net. Donc ça, c'est pour les militants, les militantes, les camarades. Puis si y a un petit média qui a envie de passer par là, ben, on a fait une boîte mail pour les médias aussi. 8.12communication@proton.me. Mais toutes ces infos, tu les retrouves sur notre blog. Donc le plus simple, c'est d'aller sur le blog du soutien des inculpés au 8 décembre. Et la cagnotte, elle est sur LOASO et pareil sur le blog. Il y a 12, un petit onglet. Ouais. Voilà. Quand on cherche, on peut trouver. Donc LOASO, c'est pratique. Donc 4 mai, il y a un rassemblement prévu devant le tribunal à quelle heure? Alors, on ne sait pas exactement, okay, comme, en fait, comme ça commence l'audience à 9h30, ouais, c'est délicat de faire un rassemblement, ouais, à 7h du matin. Ouais. Donc, on se demande, l'heure n'est pas encore prévue, okay, mais on pense que ce sera peut-être plutôt à la sortie, du coup, dans l'après-midi ou quelque chose comme ça. Mais, Sinon, j'ai envie de dire H24 devant le tribunal. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en plus, c'est l'été. Enfin, c'est l'été, c'est-à-dire que les jours sont longs. Donc, en fait, il fait bien jour à 7h du matin. Il y en a qui bossent, ils peuvent passer avant d'aller au boulot, justement. Il y en a qui ne bossent pas, qui peuvent venir plus tard. Plus si on fait un gros rassemblement, c'est pile entre Châtelet et Saint-Michel. Bah, ça peut bien faire chier la bourgeoisie. Bah, en tous les cas, du coup, c'est vrai que c'est central. Ouais. Donc, after the Notre Dame, go to the Palace of Justice to see. Peut-être tu veux revenir sur la détention des uns et des autres, ou tu... Eh ben écoutez, ouais, il nous reste 3-4 minutes. Ce serait minutes. Intéressant justement de parler de toi dans ton cas en particulier, par exemple, justement, si tu avais envie... Parce que du coup, toutes ces 3 années, plus encore ces 2 autres années, 3 années... Enfin bref, 6 ans de pris dans les taux, la machine. Ah, du coup, s'il ne reste plus que 3 minutes, on va plutôt faire autrement. On va parler... Il y a 2 bouquins qui sont sortis. Donc, tu as le camarade Libreflow qui a compilé ses lettres qu'il a envoyées à l'envolée dans un bouquin. Anticiper le bruit sec des verrous. Voilà, c'est aux éditions du bout de la ville. Okay. Donc là, ça, c'est cool. Tu as toutes lettres. Parce que c'est lui qui a fait 16 mois d'isolement et les 6 mois de bracelet et qui a fait la grève de la faim pour pouvoir sortir l'isolement. Donc, ça a été vraiment le cas le plus dur sur lequel on s'est inquiété. Et c'est la personne sur laquelle ils se sont appuyés pour tisser leur toile au Rojava, oui. Ouais. C'est vraiment une stratégie de destruction quasiment, non? C'est totalement, ouais. Un acharnement. Oui, l'isolement, ça a été reconnu comme une torture blanche. Mais ça, la justice et la France s'en foutent royalement, quoi. Enfin, c'est dramatiquement commun, quoi, l'isolement. Ouais, d'ailleurs, une pensée pour un camarade au Mexique qui est décédé après 6 ans d'une procédure comme ça, complètement, qu'on lui a créé et tout, mais c'est vrai qu'on pense pas assez, mais c'est très très très très dur. Surtout qu'il peut y avoir la mobilisation dans les premiers jours, tout ça, etc. Mais il y a les années qui passent aussi, et c'est très très très compliqué. Lui, il a eu un peu de chance que d'avoir des comités de soutien qui étaient derrière, qui n'ont pas lâché dans la durée, mais c'est très très compliqué il faut pas qu'il y ait l'oubli, quoi, et c'est ça aussi la force de nous en reparler, etc. C'est que affronter l'oubli et la continuer à se mobiliser, c'est dur, quoi, avec les années. C'est clair. Complètement. Eh bien, donc, du coup, on est là au max derrière vous sur ce mois qui va venir. Ben, merci. On espère surtout qu'effectivement, ça va bien se passer. Surtout, en fait, on espère que oui, l'accusation terreau tombe et que ça ouvre pas des portes pour les camarades, pour les futurs camarades, parce que c'est nous, on a pris dans notre chair, parce que qu'est-ce que vous encourez, vous, du coup, sur le papier? 10 ans dans là, les peines, elles ont été jusqu'à 5 ans ferme pour le camarade qui avait déjà fait 2 ans ferme, et c'était 5 ans ferme dont 3 avec sursis. Donc, en gros, il lui restait à peu près un an de bracelet, comme pour cinq. Bon, en gros, les peines sont allées de 1 an à 5 ans, si je vois bien. Ouais, de 1 an à 5 ans. Elles ont été sur les personnes en, gros, en prenant en compte les détentions provisoires, etc. Et la condamnation là, de 2023, la juge, elle les a tous recondamnés à un an de prison qui était possible de faire sous bracelet électronique, en plus des peines qu'ils avaient déjà faites. Donc, si jamais la cour d'appel met la même peine, eh ben, y a 5 d'entre eux ou 6 d'entre vous qui repartent pour un an de en prison ferme en bracelet. Ah ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc bon, bah, du coup, faites du bruit pour essayer de rendre ce procès. On va entendre les casseroles devant le tribunal. Ouais. Pour, bon, bah, écoutez, n'hésitez pas, du coup. Normalement, on va avoir un. C'est quel jour, le 22 mai? C'est une bonne question. Le 4, crois, non, c'est du 82. Du 82, parce que je crois que c'est notre prochain programme de radio. C'est peut-être un direct devant le tribunal. Ouais, voilà. Bon, bah, merci à vous. On merci va faire une petite pause musicale. Et donc, normalement, on continue avec des petites infos au Mexique. Et de, bah, voilà, on continue avec les luttes et les résistances contre ce système. Force aux camarades du Chiapas aussi. Ouais. Merci encore pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Musique. Deponiendo al dictador. También pedimos a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las leyes sobre la guerra de la Convención de Ginebra. EZLN, como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación, tenemos al pueblo mexicano en nuestra parte, tenemos patria y la bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes insurgentes. Nos levantamos en armas en enero del 94, vimos que estaba bueno de las maldades de los poderosos, nos humillan, nos roban, nos encarcelan y nos matan, nadie dice nada, que es lo que le pasa a esta raza humana. Queremos la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos, aunque nos concentremos el ejército zapatista más en los pueblos indios. No queremos luchar solo por el bienestar de nosotros o solo por los indígenas chapanecos o por los pueblos indios que forman a todo México. No, sino que queremos juntarnos con gente humilde y sencilla. Mire, así como nosotros, Ñero, eso hicimos muchos años, pero lo hicimos en silencio, sin bulla, juntamos nuestras fuerzas en secreto, pero nada que nos derrotaron, porque nos preparamos antes de la guerra, haciéndonos fuertes en la montaña, fue la estrategia, como en febrero del 95, que nos aventó el sistema una gran cantidad del ejército, pero no nos derrotó, nos resistimos bien, por supuesto en ese tiempo hubo mucha gente que nos apoyó, pero seguía la lucha, después de eso, el acuerdo de San Andrés se lo pasaron por los huevos, sin olvidar el diciembre del 97 y Zedillo, cuando mandó a matar a 45, entre hombres, mujeres, ancianos y niños. El poblado se llama Actial. Esto es una verdad, man. Luego, porque uno se rebela contra el sistema. Por eso los chapanecos optaron mejor por hablar con grandes intelectuales, artistas, científicos de México. Y por supuesto que de todo el mundo, llamando a esto encuentros intergalácticos, haciendo marchas, ¿sabes? Para todos nosotros, como la del 1111, en el 2001, la marcha por la dignidad indígena, ya que los políticos negaban sus raíces, su cultura. La verdad, para mí, esto es una locura. El capitalismo se basa en explotación del trabajador. Todo lo convierte en mercancía, algo verídico, bro. Naturaleza, cultura, historia, ya está la conciencia. Solo quieren comprar y vender, es su pinche lema. Globalización neoliberal, igual a guerra de conquista por todo el mundo. Solo quieren una nación o un país. La verdad, para mí es algo absurdo. Campesinos y productores en la miseria por el Tratado de Libre Comercio, que es su jaqueca, comidos por agroindustriales, obreros y empresarios pequeños, es lo que miro, que diario carece el pueblo, o sea que el campo está pasando por lo mismo, cuando cursaban aquellos tiempos llamado porfirismo, no más que en lugar lugar y hacendados. Son empresas extranjeras las que vienen a joder al campesino. Destrucción económica en las ciudades, lo que miro. Trabajar para la riqueza de extranjeros, principalmente para los gringos, pinches gabos culeros. ¿Cómo vamos a estar dominados por Estados Unidos? Sin olvidar el cambio que nos hicieron en la Constitución. Quitaron el artículo 27 para vender tierras ejidales y comunales. Eso fue en el gobierno de Salinas de Gortari. También quieren vender a Pemex, privatizar el seguro, la electricidad, el agua. Mire, junto con sus bosques, hasta que no quede nada del país, todo se torna gris. Pero no te rindas y te aconsejo que tampoco te vendas. Queremos decirle a todos los pueblos de Latinoamérica que para nosotros es un orgullo ser parte de ustedes. Nos acordamos como cuando años iluminaba el continente con una luz llamada Guevara, como también lo fue Bolívar. Por eso le decimos al pueblo de Cuba que no está solo. De igual manera a los hermanos y hermanas de Mapuche en Chile, a los venezolanos que defienden su soberanía, así como los de Ecuador, de igual manera los del Bolivia, a los piquiteros y a los jóvenes de Argentina. Les queremos decir que la raza mexica los queremos, y a los de Uruguay que mejoran su país, los admiramos. A los de Brasil, por ser una esperanza, los respetamos. Esta fue nuestra sencilla palabra dirigida a los corazones de la gente simple y humilde que se resiste y se rebela contra la injusticia de todo el mundo. Por favor, usted dígale no al neoliberalismo. Desde las montañas del sureste de México, el Comité Clandestino Revolucionario, desde la selva Lacandona. En estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México. La declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la selva Lacandona. En realidad nos estamos enfrentando contra el gran capital financiero. En la madrugada de ese día se da que el gobierno del estado trata de limpiar el lugar de manera que no quedara ninguna huella de la masacre. Va un grupo de periodistas aproximadamente a las 4 de la mañana para poder verificar qué era lo que había pasado. Y lo que nosotros descubrimos es que nos alzamos contra un poder nacional y que ese poder nacional no existe. FPP, la jungle des luttes, merci de nous écouter. On est avec le copain du collectif Molino à Lugano, qui était justement parti ce mois dernier pour participer à la brigade internationaliste, comme je disais en début d'émission, en présentant que c'était en solidarité et en même temps une façon de faire un petit état des lieux sur la situation et de nous montrer combien partout, effectivement, y a des projets qui détruisent et qui, ouvertement, sont orchestrés depuis le pouvoir, hein, les différents pouvoirs à tous les niveaux. Mais l'organisation et donc la solidarité, ça crée. Il y a des projets sur place aussi. Et donc, merci de nous appeler, de nous faire ce petit point là sur ce que vous avez pu vivre et ce qui s'est mis en place. Tu nous entends? T'es là? Tu nous entends? Allô, allô? Tu peux parler? Allô, allô? Yes. Oui, je vous entends. Yes. Alors, donc, du coup, c'est à toi. Si tu veux bien partager ce que vous avez fait dernièrement avec le collectif Molino et tous les compas là-bas. Ben oui, ça va, je pense à propos de la brigade qu'on a fait dans l'état de Oaxaca. Et en fait, c'était une brigade d'observation et pour la défense des terres sur la côte de Oaxaca, qui est le centre sud du Mexique, en fait, et où il y a de l'exploitation des terres et il y a une privatisation des terres au bord de la mer, en fait. Et donc, c'est le CODEDI, c'est une organisation indienne des peuples autochtones, le Comité de Défense de los Pueblos Indígenas de la région de Oaxaca, en fait de la Sierra de Oaxaca, donc pas loin de la mer, qui depuis des années s'occupe et lutte pour la défense du territoire et des terres exploitées par les grandes entreprises et les maisons privées et le narcotrafic aussi. Ouais, parce que du coup, on a depuis des années qu'on suit un peu ce qui se passe au Mexique. C'est plein de projets et dont on sait que c'est des grandes entreprises qui sont derrière, avec en toute impunité, qui peuvent justement harceler et mettre dehors des personnes paysannes ou pas selon les lieux, mais souvent des personnes qui sont sur des terres, donc souvent paysannes. Mais là, du coup, dans votre rapport, vous mettez bien en avant le fait que du coup, la présence des narcos, elle est vraiment là et que tout le monde travaille main dans la main, quoi. Enfin, je dis ça parce que c'était pas quelque chose qu'on a... Il y a 10 ans, on parlait pas de narcos impliqués dans les histoires de projets de façon si claire, avec une sorte de collaboration entre les différents partis, quels que soient les niveaux. Du coup, il n'y a même plus de différence. Ben oui, en fait, avec les copains et les copines du Codedi, ils nous ont un peu montré la situation qu'il y a d'exploitation dans ces terres et le fait qu'il y a une grande présence du narcotrafic en train de privatiser beaucoup de territoires, notamment tous les territoires qui sont au bord de la mer. Et donc, même visiblement, c'est quelque chose que sur toute cette côte de Oaxaca, de l'état de Oaxaca, on peut le voir. Peut-être nous, à niveau des gens qu'on voyage et que des fois on va là-bas, on a pu voir le changement depuis des années et des années, en fait, des privatisations, des grands projets, de comment le territoire a profondément changé dans ces dernières années, quoi. Ouais, et avec des entreprises. Oui. En plus, qui sont souvent pas mexicaines, mais européennes ou américaines ou canadiennes, qui sont derrière ces projets, quoi, du coup. J'ai pas bien compris. Je disais oui, parce que du coup, on met en avant ce qui se passe avec les acteurs au Mexique, les narcos, et aussi toutes ces entreprises qui sont souvent européennes ou canadiennes ou états-uniennes, qui financent ces projets ou qui sont même parfois au bénéfice Oui, bien sûr. Et notamment, il y a beaucoup des intérêts privés, donc des familles canadiennes surtout dans l'exploitation, des familles américaines du Nord, des États-Unis, et des entreprises, c'est clair, avec la privatisation des espaces. Notamment, il y a pour exemple un gros changement. Il a eu avec la construction de l'autopiste, de l'autoroute qui mène directement de Oaxaca aux côtes de Oaxaca, donc qui a permis de se déplacer en 2 heures à la place de 6-7 heures. Et donc forcément, ça a permis aux gens d'arriver beaucoup plus rapidement, et tout ça, c'est clair, a enlevé des terres, des territoires, des maisons, des terrains aux gens, et notamment aux communautés autochtones qui, depuis des siècles, sont là-bas et qui gèrent la propriété de la terre ou l'ensemble des territoires, quoi. Souvent, dans une façon collective, et donc communautaire, où il n'y a pas d'exploitation, où ils respectent la terre. Et avec ça, ça a changé énormément. Et donc, on voit vraiment visiblement toute une sorte de construction de maisons abusives, grâce aussi aux municipalités locaux, grâce au gouvernement qui permet et qui est directement... concernés par la privatisation et par les intérêts d'exploitation de ces terres. C'est vraiment, nous, on essaye avec le rapport qu'on a fait, la vidéo qu'on a fait, de montrer justement tout ça. Et c'est une question vraiment qu'on voit à niveau visible. Et notamment dans ce cas, c'est un ancien monsieur qui, depuis des générations, gère ces terres. parce que là, avec la question des terres, de la propriété des terres, de l'écido ou de l'appartenance ancienne de l'occupation de la terre, ne permet pas la vente de la terre. Et ça, c'est quelque chose qui a été gagné, si on veut, avec la Révolution mexicaine 1910 et tout ça, qui depuis n'a pas vraiment été touché. Bah, qui a été touché quand même avec... Je pense qu'il y a eu un changement assez grand, quoi. Bah, ça a été justement touché avec le traité de libre-échange, ce qui a créé aussi le soulèvement des apatistes quand il y a eu la réforme, justement, où la possibilité de, pour les ejidatarios qui avaient cette parcelle en usufruit, de pouvoir la vendre. Justement, ça a été la réforme qui a impliqué l'ALENA, l'entrée du Mexique dans l'ALENA. Ils ont imposé que justement, il y ait la réforme de l'article 26 qui a foutu effectivement tout en l'air, quoi. Ouais, exactement. Et ouais. Donc la terre n'est pas... On ne peut pas vendre la terre pour des intérêts privés. Et la terre, elle est à travailler ensemble. On peut pas, faire des intérêts privés sur la terre. Et en ce moment, c'est justement ce qui se passe. Donc la question va au-delà de cette question qui a été gagnée avec la Révolution. Et donc, c'est des affaires privées, notamment privées et des entreprises et du narcos. Ils sont en train vraiment de vendre, d'acheter la terre pour rien, avec des subterfuges ou des... Ouais, ils spéculent ouais, sur ces terres-là. Ouais, ouais. Et après, la revendre et la revendre aux intérêts du grand capital, quoi. Et on le voit vraiment d'une façon vraiment claire. Ouais, c'est ça, c'est cette utilisation... Et donc, en même temps, il y a quand même une grosse répression. Et donc... souvent, en ce moment, avec le Mexique, qui est quand même, on dit que c'est un gouvernement de plus ou moins gauche, entre guillemets, mais on voit que le gouvernement et les acteurs locaux du Morena, du parti qui est en train de gérer le Mexique en ce moment, ils sont à fond dans ces intérêts de privatisation et d'exploitation de la terre, oui, avec clairement le narcotrafic et les grandes entreprises. Ces investissements et cette privatisation là, c'est vraiment ça, c'est la plupart pour des intérêts, du coup pour des projets touristiques, c'est ça, c'est là-dedans qu'il y a le blanchiment principal d'argent, du coup, enfin pour essayer de voir où ça peut être diversifié, ou c'est vraiment enfin le principal axe et la principale pression, c'est pour créer des business touristiques, etc. Bah là, au bord de la mer, c'est sûr. C'est pour ça ouais. que je pose. Ouais, on voit justement ça, le blanchissement de l'argent, c'est une question tout à fait présente. On le voit clairement, et donc on voit, par exemple, des hôtels, des maisons, des grandes maisons, mais vraiment des choses incroyables sur ces terres-là, qui sont vides. Qui ne sont pas utilisables et qui sont là-bas construits au bord de la mer et tout ça, c'est mais il me semble que justement ça a été quand même dénoncé comme du blanchissement de l'argent, donc tout l'argent du narcos, tout l'argent que les grandes entreprises font, après on le remet là-bas et ça permet, par exemple, de temps en temps de les louer à des touristes, à des familles qui viennent du nord des États-Unis pour venir faire des vacances deux semaines par l'année, etc. Et justement, comme il y a, d'après ce que j'ai lu, c'était un espace qui a été plus ou moins abandonné, qui a été récupéré par les personnes qui luttent, non, pour en faire un espace de vie collective, d'apprentissage, ou un peu, enfin, j'ai cru comprendre ça, non, il n'y a pas une possibilité d'avoir récupéré l'un de ces bâtiments pour y faire des activités qui soit un bénéfice pour... Justement, après, l'idée de cette organisation, le CODEDI, c'était justement de se dire, voilà, il y a ce... Par exemple, là, il s'agit d'un hôtel qui a été construit vraiment à bord de la mer, qui est tout à fait abandonné. Et donc, eux, à niveau d'organisation, ils se sont dit, on va l'occuper, on va le reprendre, et à partir de ça... on aimerait construire un centre de d'études de collectives pour permettre aux familles, aux enfants, aux communautés autochtones de s'organiser, de faire des activités, de faire des ateliers, d'apprendre et de construire une sorte d'autonomie. Bon, pas une sorte d'autonomie, une autonomie réelle où les gens puissent vivre, cultiver, planter du maïs, des haricots ou tout ce qu'ils peuvent faire, quoi. Et donc, dans une façon autogérée, dans une façon autonome, où ça permet vraiment de construire une autre sorte de vie autonome, en lutte, en autonomie. Ça, c'est la continuité de ce qu'ils avaient fait avec la, la récupération de la grande finca de café, c'est ça, qu'ils avaient transformé en espace de... C'est ça, ils avaient déjà... Enfin, pour resituer l'organisation Codedi, elle avait fait une grande réquisition d'une finca de café qu'ils ont transformée en, enfin, en grand centre de formation depuis combien de temps ? 10 ans maintenant, non ? Même plus, non ? En 2010, en fait, Codedi n'est pas... Ils avaient déjà eu cette intuition de récupérer des terres. Ils l'avaient fait en 2010 en occupant des terres... dans la Sierra de Oaxaca, donc pas loin de Huatulco, par exemple, à 2 heures de Huatulco, où ils ont occupé tout un terrain qui était un ancien producteur de café allemand, donc notamment l'expérience s'appelle Finca Alemana, notamment pour le fait que l'ancien propriétaire il était allemand. Et là, ils ont construit un centre de capacitation d'apprentissage qui permet aux communautés de la zone d'aller, de construire, de faire, d'apprendre, de transmettre leur façon de vivre et de vivre ensemble. C'est déjà une construction du commun qui a lieu depuis des années et des années, qui est en train de se dérouler, de se développer depuis des années. Et là, vu l'occasion avec cet ancien propriétaire qui est exploité en ce moment et qui a demandé des aides aux organisations, ils ont décidé d'aller là-bas, de donner leur solidarité et donc leur proposition à eux, c'est justement de créer un autre centre, surtout pour les jeunes, parce que aussi, il faut dire, c'est un boulot assez, assez qui continue de travailler avec les jeunes, de former des jeunes, de construire avec les jeunes. Et d'apprentissage pour les jeunes, quoi. Et c'est une expérience assez forte, ça aussi. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ton appel et ce partage d'expérience, comme il y en a plein au Mexique, mais c'est toujours important d'essayer de donner un petit regard sur chacune d'elles. Merci à toi, on va continuer le programme et bonne continuation à vous là-bas de l'autre côté de la montagne. Merci à vous pour l'espace et bon courage à tout le monde et merci. A bientôt, la lucha sigue. Gracias, compa. Siempre, siempre. Chaito. Gracias a todos y a todas. On fait une pause et on continue avec Anna sur la sécurité sociale. Musique. Mais au fond, ils savent très bien, bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin, enclavée comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Calomnier même sous les bombes, Ils font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. On est dans la cage qui périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. On est dans la cage qui périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. FPP, la jungle des luttes. On continue avec Anna qui, avec qui on a souvent parlé de la sécurité sociale, qui est quand même un super outil. On pense souvent sécurité sociale, c'est-à-dire maladie, mais c'est pas que la maladie, c'est aussi les allocations familiales, tout ça. Enfin bref, c'est ce système de solidarité qui a été inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois. Enfin, c'est toi la spécialiste, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ce que c'est cette super machine. Même si des fois, on a un peu peur que ce soit plus pour longtemps et que ça s'effrite. Oui, justement, on va parler de solidarité et autogestion, qui étaient les principes de base de la sécurité sociale envisagée en 1945. Et qui, au long des années, ont peu à peu été détruits par les interventions, les différentes interventions de l'État et du patronat. Donc, la sécurité sociale a été créée post-Deuxième Guerre mondiale dans un contexte d'une économie française très affaiblie, d'un patronat affaibli. Des assurances sociales lucratives hors service avec des faibles entrées de cotisations sociales et beaucoup de dépenses et avec dans un contexte du grand social et une gauche puissante en France qui arrive à taper de poing sur la table et de faire un bras de fer avec la droite conservatrice et avec les catholiques pour mettre en place un système de solidaire de protection des besoins élémentaires des personnes. Donc, c'est la première fois qu'on a un vrai système solidaire où les travailleurs vont mettre, les travailleuses vont mettre dans un pot commun une partie de leur salaire pour pouvoir subvenir à ce qu'on appelle en assurance. Dans les modèles assurantiels, on va parler de risque de la vie. Mais si on regarde de point de vue solidarité, on parlera de couvrir nos premiers besoins, en fait, le besoin d'être en bonne santé, de pouvoir éduquer et élever tes enfants, de pouvoir assurer ta vie pendant une période d'inactivité à cause d'une maladie ou une maternité, ou en fin de vie, lorsque tu n'es plus en capacité, tu n'as plus la force de travailler et tu as besoin de te retirer pour te reposer. Donc, la sécurité sociale, ce n'est pas que l'assurance maladie, c'est aussi les caisses de retraite et les allocations familiales. Et puis, nous avons ce qui est moins connu par les citoyens en France, c'est les URSSAF. Les URSSAF, c'est en fait la caisse de la collecte des cotisations. Et donc, c'est sur ces cotisations-là qu'on va pouvoir rembourser aujourd'hui des prestations santé. On va distribuer des prestations d'aide à l'enfance et on va aussi pouvoir verser la retraite des personnes qui sont parties à la retraite. Donc, ce qui est intéressant dans le système français qui diffère des autres systèmes de protection sociale, c'est justement le fait qu'au début, ce système est pensé en mode autogestion. Donc, cette collecte de cotisations et les prestations qu'elle devait couvrir devaient être gérées par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes via leur syndicat des travailleurs. Néanmoins, ça concernait essentiellement la CGT à l'époque, donc qui était quand même le syndicat le puissant, oui. Mais à l'époque, ce qui a été mis en place, c'était un système d'élection pour savoir quels sont les syndicats, quels sont les représentants des salariés qui vont administrer, participer à l'administration de la Sécu et qui vont gérer tout ça. On aurait pu voter pour. On votait carrément, il y avait des élections au début. Mais ces élections, au fil des années, ça s'est détériorisé. On va dire que l'État est intervenu. Les gens de moins en moins proches des syndicats aussi, non enfin, oui, avec l'État les syndicats devenaient de plus en plus réformistes et non pas révolutionnaire et pas combatif pour chercher des nouvelles, des droits, des nouvelles conquêtes, ouais. Voilà. Donc, on a laissé la place malheureusement à l'État et puis au patronat qui interviennent aujourd'hui dans la gestion de la sécurité sociale. Et la grosse erreur aussi qui a été, je ne veux pas dire que c'est une erreur, mais le gros manque qu'il y avait dès le début de la création de la Sécu, c'est la gestion de la production de services. Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, en fait, la Sécu rembourse des soins de santé, mais elle les rembourse à qui ? Elle les rembourse à des médecins libéraux. Et en fait, l'effort de création d'un service public de la santé avec des médecins publics, au début, on a mis les efforts pour développer un service public. Mais qui fonctionne encore un peu, depuis les dernières années, de moins en moins bien. Peu à peu, ce service public a été délaissé au profit des producteurs libéraux, donc des médecins. Infirmiers libéraux et libérales. Et puis, on parle beaucoup du soin, mais c'est aussi le cas des crèches, par exemple. La petite enfance est de plus en plus gérée par des crèches privées. Et donc, tout ça, c'est, C'est pas venu par... Ouais, du coup, t'enrichis des privés avec l'argent qui était le pot commun. Avec nos salaires, en fait, ouais. Parce que ce qu'on oublie, c'est que cet argent-là ne vient pas... au début, venait à 90% des salaires des employés, des salariés. Aujourd'hui, depuis quelques années, le pourcentage a énormément baissé. On a enlevé une partie des cotisations pour baisser notre salaire socialisé et différé. Donc, c'est au profit de patronat. Et finalement, on les a remplacés par des taxes et des impôts. Genre la CSG, tu veux dire. Exactement. Ouais. Eux sont à la main de l'État, en fait. Ouais, qui ne sont pas dans le pot commun de la Sécu en tant que tel. Qui ne sont pas vraiment dans le pot commun de la Sécu. C'est un truc de solidarité normalement... Voilà, ouais. Ils ne sont plus une partie intégrale de ton salaire, en fait. Voilà, Et donc, du coup, aujourd'hui, qui c'est qui gère la Sécu, du coup, en concret, aujourd'hui, finalement c'est l'administration. C'est l'administration de l'État. En fait, c'est l'État qui a la main mise sur la Sécu, même si on parle encore de parité dans l'administration de la Sécu, même s'il y a encore des syndicats qui font partie des conseils d'administration de la Sécu. Et qui négocie avec l'État et le syndicat des patrons aussi. Ces syndicats, avant c'était beaucoup la CGT, maintenant c'est la CFDT qui est à la main, qui est plus à la main. Et du coup, ils ont beaucoup moins de pouvoir qu'avant. C'est, au final, c'est l'État qui décide et c'est... les lois de financement de la sécurité sociale qui décident. En fait, on a détourné ce principe de solidarité pour le remplacer par le principe de la chasse à la fraude. Donc, on parle plus de fraude que de protection sociale des assurés. On se soucie plus... à aller chercher où est-ce que les assurés fraudent, alors que il n'y a pas tant que ça de fraude. On invente même de la fraude à la Sécu par les assurés en expliquant, c'est que des spéculations en fait de la part des différents parti de droite et des différents gouvernements. Intention supposée. Au début, on a parlé de... Ou alors beaucoup de gens qui cotisent sont jamais qui auront jamais droit à la retraite parce que... Oui, mais en plus, on spécule beaucoup sur des gens qui touchent soi-disant la retraite et qui sont décédés. On spécule beaucoup sur les gens d'origine étrangère. Et pourtant, on voit bien que si on étudie les chiffres de la Sécu, on voit bien que la fraude est hypothétique et non pas... C'est ceux qui cotisent le plus et qui ont le moins de services. Exactement, parce que en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui cotisent le plus, c'est ceux qui ont des bas salaires, parce que les gros salaires sont limités à ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale. Sans papier, tu cotises aussi. C'est ce qu'il faut rappeler, c'est que souvent on spécule sur les sans-papiers, mais les sans-papiers cotisent aussi alors qu'ils n'ont pas droit aux prestations de la sécurité. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de prestations alors que... Et la seule chose à laquelle ils ont droit, c'est une faible protection de santé médicale. En fait, c'est même pas une protection, c'est une prise en charge médicale minime couverte par une enveloppe votée par l'État, qui est une aide médicale de l'État, l'AME, qu'on n'arrête pas de baisser, réformer, de tout ça, réformer, ouais, de supprimer. On parle de suppression même. Et c'est là que je voulais aussi faire tirer votre attention sur le fait que dans la Sécu, on a deux choses. On a les prestations qui sont gérées par la Sécurité sociale et qui sont qui font partie de la Sécurité sociale, et on a les aides attribuées par l'État qui sont sous-traitées pour la partie gestion à la Sécurité sociale, mais qui viennent de l'État, en fait. Donc c'est des notre caisse. C'est des oui. Donc ce sont des comment dire des mécanismes de création de précarité et de maintien de cette précarité. L'AME en fait partie. Vous avez des minima retraite aussi qui en font partie. Tu veux dire que si un jour, même sans que la sécurité sociale s'effondre, le système en tant que tel, si l'État décide de plus donner d'aide, effectivement, ça met en précarité un certain nombre de personnes qui bénéficient de prestations qui auraient dû être comptées ils sont déjà dans le en précarité, système. En fait, oui, non, mais je veux dire, du coup, c'est plus garanti par la sécurité sociale, non. Tu veux dire. Non, en fait, on passe de principe de solidarité à du peuple, des travailleurs, une solidarité intégrale, on passe au principe d'assistance étatique. C'est-à-dire, l'État va décider qui sont les personnes qu'il faut assister et maintenir, les personnes les plus précaires. Ouais. Et en fait... Quand la Sécu, c'était universaliste et pour tout le monde. Exactement. Et en fait, cette précarisation, cette logique d'aide aux précaires, assistance, cette logique d'assistance étatique, en fait, ça permet aussi de discriminer des populations, stigmatiser certaines populations, comme aujourd'hui on stigmatise par exemple les sans-papiers parce qu'ils sont assujettis à l'aide médicale de l'État, et ça permet aussi aux politiques de spéculer sur ce type de minima sociaux. Voilà. C'est tout ce que tu voulais nous dire sur cet fameux objet. On peut beaucoup parler dessus, mais c'est déjà première partie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est temps quand même qu'on prenne conscience de ces choses, de ce que c'était la Sécu et de l'outil qu'elle peut devenir pour reprendre la main sur nos droits, nos dignité à tous et tout. Ouais. Voilà. Ouais. Je sais pas si on fait une petite pause musicale parce qu'on avait on doit quitter à 27 là pour laisser la place aux copains derrière, et par contre on avait envie de vous inviter à un en premier parce que je l'ai pas dit en début d'émission, mais donc en tous les cas merci à toi Anna, on finit ensemble l'émission. Donc le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on se retrouve tous les troisièmes mercredis du mois à 20h au CICP, et donc au CICP, Centre International des Cultures Populaires, dans le 11e à Paris, donc c'est au rez-de-chaussée, donc normalement vous pouvez nous retrouver, c'est une assemblée ouverte, donc on partage des informations sur les apatistes, le Mexique ou autres, selon justement ce que vous pouvez porter dans vos bagages et partagez avec nous. Donc c'est une assemblée ouverte, vous êtes invités à nous y retrouver, donc troisième mercredi du mois à 20h. Et puis on vous invite à venir, peut-être que tu peux en parler mieux que moi. Le 28 avril. Le 28 avril pour une projection d'un documentaire qui a été fait par un camarade, un collègue de longue date du CSPCL qui a été produit, qui s'appelle Nicolas Desfossés, et donc qui est le producteur d'un très très beau documentaire qui s'appelle Un lugar más grande, sur une lutte emblématique, enfin très forte du Chiapas, qui est la lutte de Tila contre le narcotrafic et pour l'autogestion de leur ville, de leur village, qui sont une petite ville, quoi, une petite ville du nord du Chiapas, vue de l'intérieur, vue depuis les acteurs de cette révolte qui a mis fin aux autorités municipales pour mettre en place un gouvernement collectif, et donc qui est en tchol, tout le documentaire sous-titré, et qui est un peu de l'intérieur, cette révolte vue de l'intérieur. Donc le 28 avril à 19h, au cinéma Luminor, dans le 4e à Paris. Voilà. Je crois que c'est le 4e. C'est enfin, ça, pas loin Luminor, d'Hôtel de Ville. Voilà. Pas loin d'Hôtel de Ville. Et donc, du coup, on vous invite à aller le voir. Et sachant que vous avez peut-être déjà vu un film, si vous nous suivez de temps en temps, on a déjà projeté le film Viva México. Et donc, c'était un film qui avait été fait toujours par Nicolas Desfossés, qui justement avait suivi l'autre campagne en 2006. Donc, ce voyage des apatistes à travers une rencontre, enfin, à travers le Mexique pour y rencontrer toutes les luttes. Et donc, justement, Nicolas prenait le temps d'aller avant ou de rester après dans certains endroits, puisque des luttes, il y en avait par dizaines, mais qu'il a choisi quelques-unes de ces luttes et sur lesquelles il a pu faire des portraits de lutte et de résistance et dans d'autres petits documentaires derrière. Donc voilà, j'ai pas vu ce film, et toi, je crois que tu l'as vu, ce documentaire, il est très beau. Donc on vous invite à y aller au cinéma Luminor. Et toujours dans un peu de. On en reparlera peut-être la prochaine fois, mais vraiment qui fait écho un peu aussi au travail qu'a pu faire Nicolas avec Viva México. C'est. Du coup, le documentaire qui tourne un peu en ce moment dans différents lieux de la France, donc de Valentina Leduc. Mais là, par contre, on n'aura pas le temps d'en parler à la prochaine émission, parce que c'est du coup début mai. C'est donc le 6 mai. Effectivement. Donc. Le 6 mai au cinéma La Clé à Paris. C'est un documentaire qu'on a projeté il y a pas très longtemps, effectivement. Los sueños que compartimos, et qui revient sur le voyage des zapatistes en Europe en 2021, et donc un peu la même démarche que Nicolas, de prendre le temps parmi toute cette myriade de luttes que les zapatistes sont venus rencontrer en Europe. Et de ces luttes qui communiquaient depuis le Mexique. Voilà, un très beau documentaire aussi qui laisse la voix et qui prend le temps. Merci à vous, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Donc on vous rappelle qu'on est tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30 en direct, et que vous pouvez nous réécouter ou bien avoir plein d'informations sur notre site CSPCL. www.ouvaton.org. Et puis nos réunions, c'est le troisième mercredi du mois. Donc là, comme le troisième s'est tombé la semaine dernière, bon, il faudra attendre le mois prochain. Mais on est joignable. Donc le 28 avril, vous pouvez aller au ciné. Et encore le 6 mai, on s'y retrouvera peut-être. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Salut, merci.